direct. Que je vomis ces pratiques infâmes. Que pour connaître le bonheur, il me faut racheter mon âme. Et si je parle, j'y laisse ma chemise. Et mes enfants ne comprendraient pas. Ma peur au ventre m'immobilise. Elle m'empêche d'être moi. J'ai toujours mon cache-faiblesse pour pas montrer ma misère. Je me bats contre mon corps qui n'est plus qu'un adversaire. Si vous me laissez ces chaînes qui me plaquent l'esprit, j'aurai la peau un peu plus saine, le cœur un peu plus pourri. En attendant, j'apprendrai à aimer les menteurs, ceux qui jusqu'à présent n'ont mené qu'une vie d'acteur. Il me sera bien facile d'aborder leur esprit, mais je sais bien qu'au fond de moi, mon cœur restera ainsi. Endormi dans mon confort, ma veste propre et mon chemin droit, à écouter des gens déjà morts et suivre tout le monde au pas. Je voudrais dire à toute ma famille que sans leur sourire je ne serais plus là. Mettre une vie bien tranquille, c'est refuser de faire un choix. On a tous son cache-faiblesse pour pas montrer sa misère. On se bat contre son corps qui n'est plus qu'un adversaire. Si vous me laissez ces chaînes qui me bloquent l'esprit, j'aurai la peau un peu plus saine, le cœur un peu plus pourri. En attendant, j'apprendrai à aimer les menteurs, ceux qui jusqu'à présent n'ont mené qu'une vie d'acteur. Il me sera bien facile d'aborder leur esprit, mais je sais bien qu'au fond de moi, mon cœur restera.